Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans l'émission Éléonore Darmon, violon solo, super soliste de l'orchestre de l'Opéra National de Lorraine. Bonjour Éléonore. Bonjour Thierry. Et bah, vous serez très prochainement en concert dans le cadre du Festival des Nancyphonies avec un programme de sonates françaises, Franck, la célèbre sonate de Franck, et puis la première sonate de Gabriel Fauré, c'est son anniversaire cette année, enfin on commémore le centenaire de sa mort, et vous serez en compagnie du pianiste Hugues Leclerc pour ce programme donné le 6 juillet dans les grands salons de l'Hôtel de Ville, ce sera à 20h je crois. Alors Éléonore, ces sonates de Franck, Fauré, est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de les jouer en concert ? Oui bien sûr, ce sont toutes deux, ce sont vraiment des sonates qui font partie... du répertoire habituel pour violon et piano, répertoire de musique de chambre où le violon et le piano conversent à part égale toutes les deux. Et j'ai même déjà eu l'occasion de les jouer à Nancy il y a quelques années, salle Poirel, je crois que c'était dans le cadre de la saison de musique de chambre, la LMC. Oui, donc des sonates qui font partie de votre répertoire de prédilection. Oui, peut-être plus la sonate de Franck que la sonate de Fauré. J'aime beaucoup Fauré, mais peut-être qu'elle est... Franck, je me sens vraiment bien dans cette sonate. C'est une sonate vraiment passionnée. J'adore la patte de son qu'il faut avoir. Pour Fauré, c'est quelque chose d'un petit peu plus délicat. Mais justement, j'adore montrer ces deux éclairages. Alors, pour être super soliste dans différents orchestres, je crois, non ? D'ailleurs, vous avez déjà joué dans différents orchestres en France ? Alors, oui, avant d'être reçu de manière, on va dire, plus permanente, en tout cas maintenant, c'est un poste officiel. Avant, j'étais invitée, et je le suis d'ailleurs toujours dans d'autres orchestres. Oui. Tout récemment, j'étais invitée par l'Orchestre de Paris, également comme violon solo super soliste. Et puis, effectivement, avant, dans d'autres orchestres, je pense notamment à l'Orchestre du Capitole de Toulouse. Oui, alors je me suis un peu quand même documenté sur vous. J'ai vu que vous adoriez le répertoire chambriste. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous de maintenir ce contact avec de la musique de chambre pour s'entendre et puis la complicité avec d'autres musiciens. Je pense que c'est important. Oui, alors c'est pas tant le répertoire, évidemment que j'adore le répertoire, je pense que c'est plutôt une manière de faire la musique, et c'est un petit peu également comme ça que je conçois le travail même à l'intérieur de l'orchestre. Moi j'adore communiquer, pas forcément avec des mots, d'ailleurs je suis pas forcément à l'aise pour parler, en revanche pour jouer, pour proposer quelque chose, j'adore le faire aussi au sein de l'orchestre, et c'est un petit peu ça que j'essaye de faire. Quand on est super soliste, on peut communiquer de plein de façons différentes avec les différents pupitres, on peut vraiment proposer certaines impulsions, alors toujours on est inspiré par le chef ou la chef d'orchestre devant nous, et ensuite oui, parfois ça se joue avec un petit regard, mais en général c'est plutôt on m'entend pas forcément jouer puisque je joue les mêmes notes que les autres violonistes dans mon pupitre, sauf exception, parfois il y a effectivement des solos où je n'ai pas tout à fait la même partie, mais c'est un rôle vraiment où je peux mener toute une phrase, et je peux décider de mener ma phrase en fonction de ce que je viens d'entendre. Si un des vents vient de proposer, je sais pas, par exemple la clarinette, on a entendu une phrase, il ne va pas la jouer tous les jours de la même manière. Et donc, c'est un petit peu à moi de façonner la réponse. Et il y a plein de façons de le faire. Donc, c'est ça que j'aime. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir une sorte d'improvisation dans l'interprétation. Alors, improvisation, c'est peut-être un grand mot pour dire ce que je veux dire, mais c'est pas forcément du réchauffé tout le temps. C'est pas quelque chose qui a été décidé avant. Alors, et donc, Oui, pardon. Excusez-moi, voilà. Je vous ai coupé. Oui, bah, c'est sûr. Là, j'adore parler puisque. Oui, c'est votre métier. Mais on va revenir sur ce rôle du super soliste qui est méconnu finalement. Hein. Le grand public ne sait pas toujours quel est le rôle exact du violon solo. On sait qu'il y a des solos dans certaines œuvres symphoniques qu'il doit assurer, mais on ne sait pas tout à fait quel est son rôle au sein de l'orchestre. On va y revenir. On va quand même vous écouter jouer, hein, Éléonore Darmon. Et j'ai choisi un extrait de votre disque qui est paru il y a combien de temps ? Il y a 4 ans, je vois ça à peu près. Oui, ça doit être en 2019. 2019, oui. Donc un disque avec des petites pièces, comme d'ailleurs souvent les violonistes adorent en faire, hein, les bis en quelque sorte. Hein. Exactement. Et vous avez choisi tout un programme allant de Gluck à de Falla, Paganini, Tchaïkovski, magnifique album. Et on va en écouter un extrait tout de suite, la célèbre Méditation de Thaïs. Vous êtes accompagné au piano par Antoine de Grolet. Et c'est un album publié par Tea Time. Thank you. La célèbre méditation de Thaïs de Jules Massenet, avec Éléonore Darmon au violon, Antoine de Grolet au piano, un album dont le titre est Tea Time, hein, c'est pas le label qui a publié ce disque, album Tea Time, avec plein de belles petites pièces pour violon et piano, du Sarrasate, du Gluck, du Tchaïkovski, Paganini, superbe disque enregistré donc par Éléonore Darmon et Antoine de Grolet. Éléonore Darmon, qui est mon invitée ce matin, alors il y a beaucoup de violonistes en ce moment qui publient des disques cinéma, ça vous intéresse ou pas ce genre de répertoire? Oh ben moi je préfère. En fait c'est l'inverse. C'est plutôt de la musique qui est tellement belle, qui a été utilisée par le cinéma. Mais c'est pas parce que c'est, on va dire que le cinéma l'utilise que j'ai envie forcément de la jouer. Ouais. Très souvent d'ailleurs j'ai découvert que des répertoires que les gens connaissaient, ils les connaissaient par le cinéma, alors que moi j'avais découvert via le répertoire classique. Non mais je dis ça parce qu'il y a un concept commercial évident. Oui, Renaud Capuçon, son album Cinéma, Esther Abraham. Qui fait aussi un peu de la musique pour violon et orchestre, facile d'écoute avec beaucoup de musique utilisée au cinéma. Donc je me dis, c'est peut-être en ce moment la mode chez les violonistes. Oui, en fait, c'est pas parce que c'est du cinéma que c'est facile d'écoute. Je pense que c'est plus quelque chose pour... ça fait plus vendre. Mais en fait, on n'a pas, quand c'est de la belle musique, il n'y a pas besoin. Ça se vend plus facilement s'il y a le label cinéma dessus, peut-être. Ouais. Mais c'est tout aussi facile d'écoute s'il n'y a pas le label. Alors, on va parler un peu de vous quand même, Éléonore. Violoniste depuis l'âge de... Quel âge exactement? Vous avez commencé le violon à partir de quel âge? Alors, le violon ou la musique? J'ai baigné dans une famille de musiciens. Enfin, la moitié, parce que ma mère est en pianiste et chanteuse. Mon père, lui, il était professeur d'allemand. Donc, voilà. Donc, j'ai un petit peu les deux éclairages, on va dire. Et oui, il y avait toujours de la musique à la maison. Donc, j'ai commencé au piano, d'abord. Oh, mais vraiment, petit à petit, en fait. Oui, bien sûr, mais c'est surtout que le piano, je pense que c'est vraiment une très, très bonne base pour former l'oreille, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Au violon, si on n'a pas déjà les notes dans la tête, elles ne sont pas sur le manche, elles ne sont pas préfabriquées quelque part, alors que sur le piano, on a quand même un clavier. Ouais. Donc, pour la formation de l'oreille, c'est vraiment... quelque part, je trouve que presque tous les enfants devraient commencer par le piano pour, voilà, pour se former l'oreille. Simplement, pas pour être pianiste, mais au moins avoir une base voilà, pour former l'oreille. Donc oui, vers 3-4 ans, j'ai commencé avec le piano, et puis à 5 ans, avec le violon. Alors pourquoi le violon? Je pense que ma mère adore les instruments à cordes, et le chant, et le fait, je crois qu'elle était... pas forcément toujours à l'aise avec le piano, et le fait que une fois que la note, voilà, quelque part tout est dans l'attaque. Alors on peut faire mille et mille attaques différentes, mais il lui manquait le fait de pouvoir contrôler le son après cette attaque. Donc c'est pour ça que elle a commencé le chant d'ailleurs quand j'étais toute petite. Enfin, là, voilà. Et elle chantait du classique ou c'est... Oui, classique. Classique. Et oui, on entendait beaucoup de musique à la maison. Et moi, j'adorais le violoniste Yoska Nemeth, qui est un violoniste traditionnel de Tigane. Ouais. Et c'est vrai que j'écoutais ce disque-là en boucle dans ma chambre quand j'étais petite. Le disque avait une grande place dans votre famille ou pas? Oui, il y avait toujours de la musique à la maison. Donc, voilà, c'était une époque où il n'y avait pas encore Internet, où il n'y avait pas YouTube. Donc oui, le disque était... voilà, il y avait toujours de la musique. Moi, j'ai écouté de la musique pour m'endormir. C'était... voilà, tous les concertos de violon, je les écoutais et puis je m'endormais dessus. Donc, je pense que... voilà. Et donc, pourquoi j'ai vraiment aimé le violon? Je me suis rendu compte, ça provoquait vraiment des grosses émotions chez moi. Je ne connaissais pas grand-chose de la vie à l'âge de 5 ans. Ouais. Mais je ressentais vraiment quelque chose. Et puis, le fait qu'entre deux notes... Bah, au piano, je me rendais bien compte qu'entre un do et un do dièse, on ne peut pas aller. Il y a une touche pour le do, une touche pour le do dièse, donc un demi-ton. Au violon, il n'y a pas de limite, on peut tout explorer entre ces deux notes. Et justement, le violon tzigane, il utilise énormément de glissade, de glissando. Ouais. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment attirée dans le violon. Alors, on va écouter encore un peu de violon. Je pense qu'il y a quand même aussi des violonistes, vous en avez cité un, mais qui vous ont influencé, qui vous ont fait aimer encore davantage le violon. Oui, bien sûr. Et on va en écouter un qui est très célèbre, c'est Zino Francescatti. Eh oui. Vous aimez ? Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et les autres qui vous ont beaucoup influencé ? Ah, il y en a beaucoup. Alors, il y a ceux, on va dire que... beaucoup connaissent, on ne peut pas passer à côté de Yehudi Menuhin, bien sûr, David Oistra, Christian Ferras, Ginette Neveu, Georges Enesco, Ivry Gitlis aussi, c'est vrai, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis des violonistes qui sont moins connus, mais qui m'ont énormément marqué, je pense notamment à Joseph Hassid. Et parmi vos confrères, si je puis dire, actuellement en activité, il y a certains qui vous intéressent plus que d'autres. Alors, dans ce cas-là, bizarrement, chez les vivants, je ne vais pas écouter les disques, donc je préfère aller écouter en live. Et donc, ça dépend tellement d'un concert à un autre. Un concert peut me plaire énormément. Ça dépend tellement de comment la personne se sent. Ouais. Voilà, je pense que c'est délicat de citer des noms. Bien. On va écouter donc le final de cette sonate numéro 1 de Gabriel Fauré, l'opus 13 que vous allez jouer bientôt en concert dans le cadre des Nancyphonies. J'ai choisi la version d'Ino Francescatti, Robert Casadesus au piano, un enregistrement de 1953 qui fait partie des grandes références au disque de cette sonate numéro 1 de Gabriel Fauré. Thank you. Finale de la première sonate pour violon et piano de Gabriel Fauré avec Zino Francescatti au violon, Robert Casazzi au piano. Et je vous rappelle que vous pourrez écouter cette sonate de Fauré, bien sûr, en intégralité. Ce sera le 6 juillet dans les grands salons de l'Hôtel de Ville de Nancy à 20h avec Éléonore Darmon au violon et Hugues Leclerc au piano. Donc Éléonore, on va parler aussi de votre travail à l'opéra, notre opéra. Et en ce moment, eh bien, à l'affiche, il y a un opéra de Bellini, le Bel Canto. Un des plus beaux opéras d'ailleurs de ce répertoire, je trouve, les Capulet, les Montaigu. Comment ça se passe pour de votre point de vue en tant que violon solo pour assurer la coordination des musiciens avec le chef, avec les chanteurs? Oui, alors comme on le disait un petit peu en off juste avant, nous les musiciens, on est dans la fosse, donc qui est située sous la scène, et évidemment on ne voit absolument pas ce qui se passe sur scène. Donc c'est le chef d'orchestre qui fait le lien entre l'orchestre et les chanteurs, chanteuses, le chœur, voilà, qui en plus de toute la partie mise en scène à assurer. Donc oui, préparer un opéra, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ouais, donc combien de répétitions, excusez-moi, je vous coupe. Alors, c'est pas forcément j'aurais du mal à vous dire là combien d'heures de répétition. C'est, il y a tout un parcours en fait où d'abord les chanteurs, le chœur, ils travaillent de leur côté, les solistes arrivent un petit peu plus tard. Eux, ils travaillent la mise en scène. Souvent, ils ont un pianiste chef de chant parce qu'on va pas faire venir l'orchestre forcément pour travailler des bouts de mise en scène, etc. Et nous, de notre côté, l'orchestre, il travaille d'abord, souvent on n'est pas à l'opéra d'ailleurs, et on travaille simplement la partie musique pour, voilà, pour qu'il y ait une certaine concordance, que tout le monde joue bien ensemble, que tout le monde connaisse bien le répertoire. Et ensuite, on va arriver aux premières répétitions avec les chanteurs. Et à ce moment-là, on le fait sans mise en scène, simplement on travaille d'un point de vue musical, cohésion, pour voir, parce que nous on a préparé, il y a par exemple des passages, alors dans un opéra il y a toujours une ouverture, donc ça c'est, c'est un peu comme de la musique symphonique, dans le sens où il n'y a pas encore de, il n'y a pas de chanteurs encore qui sont en train de chanter, c'est un petit peu la partie préparatoire de l'œuvre. Donc ça en général c'est assez facile, on n'a même pas besoin de le refaire avec, quand on commence à travailler avec les chanteurs. Et il y a des parties donc, où on accompagne des airs, et puis il y a toute la partie récitatif. Alors c'est chanté, mais c'est extrêmement libre, et l'orchestre ponctue. Donc ça c'est vraiment des passages qu'il faut beaucoup travailler, parce qu'il faut vraiment arriver aux bons endroits. Donc on les fait plusieurs fois pour laisser toute la liberté d'interprétation aux chanteurs, chanteuses, et le chef fait bien sûr le lien pour qu'on puisse ponctuer, puisque l'idée... voilà, on a tendance à dire répétition en français. Alors ça sous-entend qu'on répète la même chose pour finalement toujours faire la même chose, alors que dans les faits, c'est pas du tout ce qui se passe. J'aime bien le terme provare en italien, qui veut dire plutôt essayer. Donc on essaye plein de versions différentes, et comme ça, au moment de la représentation, et ben, les chanteurs, chanteuses, ils peuvent vraiment être à fond dans leur rôle. Et si émotionnellement, ils sentent qu'il faut attendre un petit peu plus... ou aller un peu plus vite, voilà, et bien nous on réagit directement. Le chef d'orchestre, oui, il a un rôle vraiment de lien entre ce qui se passe, voilà, c'est lui aussi qui décide pas mal de l'interprétation. Et on en parlait aussi en off, c'est que souvent le chef, il va nous montrer plus les intentions musicales que le moment précis où il faut jouer. Les musiciens, le premier outil du musicien, ce sont les oreilles. Donc nous, on voit l'intention du chef dans son geste, on va voir l'émotion qu'il veut, s'il veut, je sais pas, une note... très très fort, très agressif, très fier, ou au contraire très douce, un peu plus longue, il peut vraiment nous montrer avec sa gestuelle. Mais pour savoir exactement quand il faut le faire, c'est compliqué avec une baguette. Donc ça va être plutôt de l'ordre de ma responsabilité, pas toujours, mais quand on a une attaque à faire tout l'orchestre en même temps, le chef il va nous faire un geste, et ensuite moi je vais faire un geste plus précis pour les musiciens. Donc vous assistez plus ou moins le chef d'orchestre? Oui, tout à fait. Quelque part, je suis un peu le numéro 2. Voilà, parce que de voir un archer qui touche la corde, c'est clair pour tout le monde. On sait quand est-ce que va être le son. Alors que la baguette, on ne sait pas forcément, elle va se baisser encore d'un centimètre ou pas. Et de toute façon, un chef, pour qu'on puisse justement le suivre musicalement, il a besoin de nous guider un petit peu en avance. Mmh. Sinon, on est piégé. Si, hop, là, ça arrive, bah, le son, il n'est pas très beau. Si le chef, il joue pile sur les temps, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment, je fais un petit peu le relais entre le chef et les musiciens. Mais on a parlé tout à l'heure de votre rôle dans différents orchestres. Vous avez participé à différents orchestres, l'Orchestre de Paris notamment. Ça vous est arrivé, en tant que violon solo, d'avoir vraiment une mésentente avec un chef d'orchestre ? Dans les orchestres professionnels, non. Avant, dans ma formation, oui. Parce que quand on tombe sur des gens qui n'ont pas du tout la même conception ou alors qui sont un peu faibles artistiquement, comme ça peut arriver dans des orchestres non professionnels, ça peut être pénible. Parce que, justement, si un chef il commence à diriger trop tard par rapport à l'orchestre, ou pile sur les temps, ou qu'il veut qu'on joue sur sa battue précise, en fait, ça casse presque toute la ligne musicale. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Ouais. C'est que moi, j'ai besoin qu'un chef il soit inspirant, qu'il me montre où est-ce qu'il veut en venir, la phrase jusqu'où elle va aller. Et pour ça, j'ai besoin de le voir en avance. Si il me montre simplement que les temps, où est-ce que je dois jouer, je deviens juste un pion et je peux plus faire de musique. Oui, c'est ça. Il faut laisser quand même un peu de liberté aussi. Alors c'est pas forcément, enfin c'est pas vraiment, enfin c'est une sorte de liberté. En fait, c'est au contraire, c'est pour beaucoup plus respecter la vue globale du chef qu'il faut qu'il nous montre en avance. Voilà. Alors on va écouter quand même un extrait de cet opéra Capulet-Montaigu, évidemment une adaptation de Roméo et Juliette. Opéra de Bellini, créé en 1830. J'ai choisi un air chanté magnifiquement par la mezzo-soprano Joyce Di Donato. L'orchestre, c'est celui de l'Opéra National de Lyon, direction Riccardo Minasi. Juliette, madre, Un extrait de l'opéra Les Capulet et les Montaigu de Vincenzo Bellini avec Joyce Di Donato, l'Orchestre National de l'Opéra de Lyon, Riccardo Minasi. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interprétation, Éléonore Darmon ? Oui, alors on était un peu en train de discuter. On a écouté d'une oreille, bon, on a entendu quand même. Oui, bah c'est, je crois que c'était très beau. Hein. Oui, c'est, je crois que c'est un peu compliqué. On était réellement en train de discuter. Ouais. Alors, on va continuer à parler un peu de ce travail à l'orchestre. Et puis, il y a aussi les concerts avec solistes. Alors là, est-ce qu'il y a une différence majeure avec les concerts purement symphoniques quand on joue un concerto avec un grand soliste? Quels sont les paramètres un peu de ce type de programme pour le violon solo? Alors, pour le violon solo, alors je ne savais pas si vous alliez me parler de moi si, quand je joue des concertos en tant que soliste. Vous, en tant que soliste, parce que vous avez d'ailleurs enregistré, non, vous n'avez pas enregistré, mais vous avez joué, on peut trouver sur YouTube une vidéo de vous, vous jouez le concerto de Tchaïkovski. Oui, je crois qu'on redoutable, peut trouver ça. Redoutable, celui-là. Peut-être qu'on peut aussi trouver le double concerto de Brahms. Oui, voilà, à chaque fois, ce sont des lives, vraiment des concerts enregistrés. Il y a pas de, donc, ce ne sont pas des disques avec des coupures. Voilà. Je peux rebondir un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure à propos de la musique de chambre. C'est que quand je joue un concerto en tant que soliste, moi, ce que j'aime bien, c'est communiquer avec l'orchestre, ouais, proposer quelque chose, sentir que... amener quelque chose, une suspension qu'on n'avait pas du tout prévue au moment des répétitions, mais sentir que justement tout le monde est à l'écoute. Et un musicien, dans les concertos, même quand il y a un soliste, il y a toujours des passages solo dans les vents ou une phrase qui va se détacher. Et donc moi je le vois toujours comme si c'était de la musique de chambre. Alors maintenant, quand j'accompagne en tant que super solo un concerto avec un autre soliste, ça arrive quand même très fréquemment dans tout notre programme symphonique. Oui, il y a le concerto d'Arendroise récemment, le concerto oui, de Rotterdam. Oui, tout à fait, on a aussi accompagné le concerto d'Elgar pour violoncelle. Ouais. En plus, comme j'ai été quand même beaucoup à cette place, j'essaye de proposer quelque chose aux solistes. Alors, il y a toujours quelque chose où il faut faire extrêmement attention, c'est l'équilibre. Mm-hmm. Ça dépend, c'est pas la même chose si on joue avec un pianiste ou justement le piano, en général, il y a moins de soucis, on risque pas de le couvrir avec l'orchestre. Mais un instrument à cordes, violoncelle tout seul, même s'il a un très très grand son, il faut toujours faire bien attention aux équilibres. Et j'essaye toujours... que l'orchestre ne soit pas complètement passif, parce que c'est un petit peu le danger, ouais, c'est qu'on laisse le soliste et puis nous on est derrière en train de suivre, alors qu'au contraire, pour aider il faut proposer quelque chose, donc toujours en accord. Oui, on a également accompagné il n'y a pas longtemps Concerto pour hautbois de Richard Strauss, ouais, magnifique, voilà, avec Alexandre Gattet qui vient justement de l'Orchestre de Paris. Et moi, j'ai adoré pouvoir communiquer avec lui et puis avec d'autres solistes comme si c'était de la musique de chambre. Mmh. Alors après, moi, j'ai pas et j'ai ce rôle comme si... on peut dire un orchestre, c'est comme un énorme bateau, en fait, ouais, pour pouvoir faire un accéléré ou ralentir. Et ça prend un petit peu de temps. Donc, il faut, c'est un petit peu mon rôle aussi d'emmener l'orchestre là-dedans, toujours avec le chef d'orchestre aussi qui fait le lien avec les différents pupitres, qui va décider de l'interprétation dans l'orchestre, quel instrument va faire ci, va faire ça, quel instrument doit sonner un peu plus en dehors. Et puis souvent, moi ce que j'aime chez les chefs, c'est qu'il y a certains endroits... ils décident absolument ce qu'ils veulent et puis d'un seul coup, je sais pas, on va avoir une phrase au bois et en fait il se met plus à diriger, il laisse le soliste de l'orchestre, ouais, et donc au contraire les musiciens ils sont obligés d'ouvrir leurs oreilles complètes et de pas juste suivre une battue ou un tempo métronomique et vraiment d'écouter et donc de réagir par rapport à ce qu'on entend. Et moi c'est ce qui me plaît dans la musique. On l'a dit, vous avez donc joué en soliste notamment ce concerto de Tchaïkovski, particulièrement difficile. Hein. Est-ce que vous aviez envisagé une carrière de concertiste professionnel, enfin je dirais concertiste, de ne faire que du concerto? Peut-être quand j'étais petite, c'était un petit peu, oui, j'écoutais beaucoup, beaucoup de concertos pour violon, donc Oui, j'imaginais peut-être ça. Après, la vie de concertiste, c'est quand même quelque chose de très particulier. Mm-hmm. J'adore vraiment la musique de chambre, le partage de parties égale à égale. Donc, faire que des concertos, je pense que j'adore ça. Peut-être pas lassant, mais je sens qu'il y a vraiment énormément de choses à côté et ça m'attire aussi. Ouais. Et j'en suis venue au répertoire symphonique un peu plus tard. Et ça encore, c'est très difficile de passer à côté. Comment on peut vivre une vie de violoniste sans avoir, je sais pas, joué les symphonies de Beethoven, de Brahms, les poèmes symphoniques de Richard Strauss. C'est pas possible de passer à côté. Enfin, moi, je suis très heureuse justement de pouvoir un petit peu tout faire maintenant, actuellement. Et en fait, tout m'enrichit. Depuis que je joue en orchestre, je joue mieux en tant que soliste parce que je réalise pas mal de choses aussi qui peuvent se passer dans l'orchestre. Peut-être qu'au départ, je tentais certaines choses en me disant bah, l'orchestre n'a qu'à suivre, sauf qu'après avoir été à l'intérieur de l'orchestre, je sais de quelle manière l'orchestre est capable de suivre, et vice-versa. Le fait d'avoir joué quand même beaucoup en soliste, je pense que ça m'aide à mieux accompagner les concertos quand c'est l'occasion. Bien, on va vous écouter. On va vous écouter dans une pièce de Manuel de Falla, La danse espagnole tirée de La vie brève, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Extrait donc de ce disque intitulé Tea Time, avec le pianiste Antoine de Grollet. On écoute tout de suite cette danse espagnole. Je voudrais juste dire quelque chose, parce qu'on oublie souvent de parler des noms des personnes qui réarrangent cette musique. Donc, c'est une musique pour orchestre. Ouais. Et donc, la version violon-piano, c'est le violoniste viennois Fritz Kreisler, que j'affectionne particulièrement. Voilà, donc je voulais juste citer son nom. Un nom très, très important. Important pour les violonistes, effectivement. Exactement. Thank you. danse espagnole tirée de La vie brève de Manuel de Falla avec Éléonore Darmon au violon, Antoine de Grolet au piano, extrait de l'album Tea Time. Et je vous rappelle que Éléonore Darmon est mon invitée ce matin. Éléonore, il y a d'autres disques qui sont prévus, vous avez envie d'enregistrer quelle œuvre par exemple? Alors déjà, il y a la question de l'enregistrement. Non, actuellement, je n'ai pas de disque prévu parce que, personnellement, moi, je me sens beaucoup mieux sur scène que dans un studio d'enregistrement. Ouais. Donc, si on ne vient pas me chercher spécialement pour enregistrer, je ne pense pas que je fasse les démarches forcément pour aller enregistrer quelque chose. Et puis, il y a le côté... figé du disque, peut-être. Voilà, c'est une fois que c'est gravé, c'est gravé. On en parlait au début de l'émission. Moi, c'est vrai que je ne vais pas écouter mon disque ou mes enregistrements comme ça. Non, moi, j'ai envie de me renouveler quelque part. À chaque fois que je donne un concert, c'est jamais la même interprétation. Donc, voilà, à un moment, je disais, mais les enregistrements, c'est fait pour écouter les morts, pas les vivants. Donc, venez au concert plutôt que d'acheter des disques. Bien sûr, mais les deux sont importants parce que le disque a tellement démocratisé l'accès à la musique classique. C'est important. Moi, je suis très discophile, alors je défends toujours le disque. Vous avez raison. Donc, c'est une époque quand même un peu difficile pour la culture. Vous êtes un peu inquiète, vous? Vous étiez intermittente du spectacle encore il y a peu. Ça, c'est une période qui vous inquiète? Jusqu'à mon poste à l'Orchestre de l'Opéra de Lorraine, j'étais intermittente du spectacle. Donc, à chaque fois, un projet par-ci, un projet par-là. Parfois, on est invité pour un projet avec un orchestre particulier, ça dure 5 jours. Parfois, c'est un concert de musique de chambre, c'est juste un jour. Et souvent, toute la préparation... elle n'est pas forcément... souvent, elle est dans l'ombre. Tout le travail personnel, on ne le voit pas. Et voilà. Et donc, surtout en ces temps bien difficiles et avec l'avenir incertain, je pense à tous mes collègues qui sont extrêmement inquiets. Donc, bien sûr. Bon. Alors, donc, on va écouter encore un peu de musique quand même. La sonate de Franck. Alors là, vous allez la jouer donc, au programme de ce concert que vous allez donner très prochainement dans les grands salons de l'Hôtel de Ville. On a dit au début de l'émission que cette sonate était importante pour vous. Vous pensez qu'elle est une sorte de cap dans la musique française de l'époque Même si Franck était belge, mais il a tellement vécu en France qu'il est français. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans sa musique, on peut reconnaître, une petite parenthèse, c'est assez rigolo. Je pense que peut-être ça peut être intéressant pour les auditeurs de voir que la langue peut influencer la musique. Ah oui. La langue française, on a tendance toujours à aller à faire un accent à la fin des phrases. Mmh. Souvent, quand on parle, on va jusqu'au dernier mot, alors que dans d'autres langues, ce n'est pas vraiment le cas. Ouais. Et vous pourrez remarquer, justement, je pense qu'on va passer le deuxième mouvement. Oui, c'est ce que vous avez choisi, oui. Eh bien, vous allez remarquer que dans la phrase, il copie un petit peu, je pense que c'est même pas voulu, mais c'est simplement, tellement intégré chez nous que la phrase de violon, voilà, on va à chaque fois s'arrêter avec un accent sur cette dernière note, alors que, voilà, pour aller montrer quelque chose de totalement différent, dans la langue hongroise, c'est le contraire, souvent, les accents, ils sont au début, on va vraiment avoir papa. Et en fait, dans la langue hongroise, c'est exactement ça. Mais il y a toute une émission de Leonard Bernstein sur ce sujet où il disait, par exemple, que la musique italienne parle avec les mains. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vrai. On va écouter ce deuxième mouvement de la sonate de Franck. J'ai choisi une version qui, à mon avis, a été adoubée par vous. C'est la version de Christian Ferras au violon, oui. Pierre Barbizet au piano. C'est un disque Deutsch Grammophon très célèbre. On écoute donc un extrait de cette sonate de César Franck. Thank you. C'était un extrait du deuxième mouvement de la sonate pour violon et piano de César Franck, Christian Ferras au violon, Pierre Barbizet au piano, une sonate que vous pourrez écouter bien sûr dans son intégralité le 6 juillet à 20h dans les grands salons de l'Hôtel de Ville avec au piano Hugues Leclerc et au violon Éléonore Darmon. Éléonore, vous avez des projets pour cet été? Qu'est-ce que vous allez faire durant tout cet été? Vous allez faire beaucoup de musique, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors la saison de l'orchestre finit donc ce soir avec les Capuletti, le dernier opéra de la saison. Et ensuite, cet été, je vais donc me consacrer un peu plus à la musique de chambre, justement. Pour vous citer deux projets. Alors tout d'abord, les moments musicaux du Tarn à Rabastens, à côté de Toulouse. Donc c'est justement Antoine de Grollet, donc mon partenaire sur le CD Tea Time, qui est le directeur artistique de ce festival, et donc je joue là-bas quasiment chaque année. Voilà, donc on va faire pas mal de concerts là-bas. Et ensuite, j'aurai bien sûr d'autres projets. Début août, là, je vais aller à Sagonne, donc dans le Berry, en plein centre de la France. Et là, c'est donc mon propre festival dont je suis la directrice artistique, le festival donc, de Sagonne. Ouais. Voilà, entre autres, il est prévu que l'on joue La Truite de Schubert. Éléonore Darmon, on va vous écouter, on va retrouver votre disque Tea Time, avec cette fois une pièce qui est un tango, c'est ça, Jalousie Tango. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette pièce? C'est justement un tango tzigane que j'affectionne particulièrement. Alors, c'est vraiment une œuvre que j'ai découverte d'abord, on va dire, dans le répertoire classique. Mm-hmm. Vraiment parce qu'on cherchait des pièces de violon-piano qui soient vraiment... qui sont un peu dans mon caractère à jouer. Et puis, après coup, je me suis rendu compte que ça avait été repris dans pas mal de films. Ouais. Donc, je pense que beaucoup de gens vont reconnaître la musique. Eh bien, on écoute tout de suite la musique de ce Jacob Gad, qui n'est pas à confondre avec un autre compositeur qui porte le même nom, je crois, et qui est un compositeur suédois, me semble-t-il. Alors, Jacob Gad, il est danois. Oui, mais je pense qu'il y a un autre Gad aussi. D'accord, je ne sais pas. Donc, on va écouter cette pièce jouée par Éléonore Darmon et puis Antoine de Grollet, bien sûr, au piano, qui vous accompagne. Thank you. une pièce du compositeur danois Jacob Gad, Jalousie Tango, jouée au violon par Éléonore Darmon, au piano Antoine de Grelais, extrait de l'album Tea Time. On va rappeler, Éléonore, ce concert que vous donnerez le 6 juillet à 20h dans les grands salons de l'Hôtel de Ville avec Hugues Leclerc dans le cadre des Nancyphonies, sonate de Franck Effauré. Donc, il y a déjà des bis de prévus ou pas? Ah, ça dépendra du public. Ah, ça dépendra du public, s'il est gentil ou non. Si on n'impose jamais les bis, hein, donc ouais. Ça dépend. Oh, voilà. Vous allez être rappelé, c'est sûr, j'en suis certain. Mais bon, c'est des petites pièces encore comme ça, tiens, que vous proposerez probablement. Certainement. Oui, probablement. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans l'émission nous parler de votre passion pour le violon, avec votre métier. Et puis, on a appris beaucoup de choses. Donc, merci mille fois. Et bien voilà, pour nous, on se retrouve demain à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Bon samedi à toutes et à tous. Merci Thierry. Merci Éléonore.